Shh, don't talk right here. Winter in Paris. Hiver à Paris. Beaucoup de mal à pardonner. Le peu que j'ai, je n'ai pas volé. Mon taux d'amour est plafonné. Je peux juste partir, partir, partir, partir sans moi. Tu peux juste partir, partir, partir, partir sans moi. Il faut juste partir, partir, partir, partir sans moi. On parle beaucoup d'amour pour des gens qui ne s'aiment plus. Regarde un peu dehors, le monde entier est perdu. La route est restée sombre. L'amour et les saisons, les mauvaises décisions. Ouais. Tu ne devrais pas pleurer. Tu sais que tes larmes sont précieuses. Tu sais que tes armes sont tes yeux. Ouais. Je devrais changer tant de choses. Je devrais ranger mon ego, mon putain d'ego. Ouais. La lumière s'éteint ce soir. Je suis mal quand t'es loin de moi. S'il te plaît, reviens me voir. Je n'ai plus peur de promettre. J'suis débiteur de sommeil. J'suis créditeur de problèmes. J'ai beaucoup de mal à pardonner. Le peu que j'ai, je n'ai pas volé. Mon taux d'amour est plafonné. Tu peux juste partir, partir, partir, partir sans moi. Tu peux juste partir, partir, partir, partir sans moi. Il faut juste partir. Partir, partir, partir sans moi. Pourquoi je ne veux pas que tu raccroches? Pourquoi tu ne veux pas que je t'approche? Je remplis le verre d'Hennessy. On est les meilleurs ennemis. Je sais que tu veux que je parte, babe. Mais personne n'est parfait. Je regrette pas ce que j'ai fait. Je regrette ce que j'ai pas fait. Je veux revenir au début. Appuyer sur reset. Annuler les problèmes. Appuyer sur pomme Z. Oh, oh, oh, oh, oh. Des blessures, des œdèmes. Je vais pas m'en sortir indemne. Les gens se marient plus pour les autres que pour eux-mêmes. Le peu que j'ai, je n'ai pas volé. Mon taux d'amour est plafonné. Tu peux juste partir, partir, partir, partir sans moi. Tu peux juste partir, partir, partir, partir sans moi. Il faut juste partir, partir, partir, partir sans moi.